بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on reprend donc le livre sur l'évocation donc de l'imam al-Nawawi, et on s'était arrêté sur le sujet du fait qu'est-ce qu'on doit dire dans la mosquée. Donc pour ceux qui étaient présents, très rapidement, on va essayer de mettre un peu de rythme et un peu de vie dans le groupe. Donc je vais poser vite fait deux trois petites questions, essayer de répondre rapidement, brièvement. C'est juste histoire de voir que voilà, vous avez pris quelques petites notions et ainsi de suite. Et après, bah, si par rapport aux autres cours, les notes que je vous demande de prendre, si vous pensez, si c'est nécessaire de répéter ou quoi, n'hésitez pas. Comme ça l'air, on la kato om suhaïn. Je dois répéter la phrase qui est en train d'être traduite ou quoi, n'hésitez pas aussi de relire vos notes. Ça vous permettra de vous rafraîchir la mémoire. Ça fait partie des révisions. Je ne vous demanderai pas de faire des exercices, parce que ça c'est autre chose. Celui qui veut le faire, ça sera tant mieux pour lui, il verra qu'il avancera un peu plus vite que les autres. Et donc voilà, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à m'arrêter. C'est pour ça que je vous demande souvent, si je m'exprime mal ou que j'interprète mal ou que je m'embrouille un peu dans les explications, de dire de m'arrêter ou de demander que je répète. Et si c'est des choses où je vous demande, pas pour ce livre-là, mais vous pouvez le faire, par rapport au nôtre que je vous ai demandé de prendre, si ça va un peu trop vite, n'hésitez pas à me demander de répéter. Voilà, donc on commence, Inch'Allah. Donc là, on va faire un chapitre. Babu inkarihi wa du'a'ahu ala man yanshudu dalatan fil masjid aw yabi'u fihi. Donc c'est un sujet qui concerne, comme on a vu, la suite après avoir fait un ensemble d'invocations qui nous, comme on a vu depuis le début. Là, on a vu l'invocation juste avant. Ou les invocations juste avant, c'est les invocations à faire en allant à la mosquée, quand on entre à la mosquée, qu'est-ce qu'on dit quand on est à la mosquée. Et là, on va voir donc qu'est-ce qui est détestable à faire dans la mosquée. Alors, détestable parmi des chants qui peuvent être récités, ou de commercer dans la mosquée. Donc, il faut savoir encore une fois que, comme Allah dit, « Wa innal masajida lillahi, fala tadu'u ma'allahi ahada » que la mosquée ou les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc de là, les savants, ils ont dit que la seule chose qui est autorisée à faire dans la mosquée, c'est d'invoquer Allah ou d'évoquer Allah. Donc tout ce qui sort de ça, c'est pas le cadre ou le lieu approprié. Donc, rawayna fi sahih muslim an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qal, il a été rapporté de l'imam muslim, du compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. Le prophète s.a.w. a dit, celui qui entend quelqu'un dans la mosquée chanter ou réciter ou dire, psalmodier des chants ou des choses comme ça, dans la mosquée, fel yakul, qu'il lui dise à cette personne qui psalmodie ou autre, la raddaha Allah alayk, qu'Allah te renvoie cette chose que tu as chantée, ou que tu as psalmodié, car les mosquées n'ont pas été créées ou n'ont pas été construites pour ceci. D'accord ? Donc les mosquées, c'est pas, on va pas dans les mosquées pour faire des chants et ainsi de suite. On est dans la mosquée, pardon, la seule chose qu'on doit faire, c'est invoquer Allah, lire le... Ah oui, d'ailleurs, ouais, j'ai complètement oublié, je dis qu'on va poser des questions sur ce qu'on a fait avant, et pourtant c'était que hier. Hein. Donc... je m'arrêtais sur cette traduction et je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on doit dire dans la mosquée? Ou qu'est-ce qu'on... Bon, j'ai déjà donné la réponse. Quelle est l'invocation à faire quand on va à la mosquée? Celui qui a la réponse, il peut répondre. Celui qui n'a pas la réponse, bah, il dit je sais pas. Celui qui a la réponse, il répond dans le groupe. Je vous laisse quelques minutes. Après, pourquoi je vais vite? Parce que bah, le temps il est court. On essaie de faire pas mal de cours. Après, si on s'étale, je sais que ça ne conviendra pas. C'est pas facile pour tout le monde. Alors, quelle est l'invocation qu'on doit dire? Non? Personne? Bon. L'invocation qu'on doit dire en rentrant à la mosquée, c'est ça? C'était ça la question? En allant à la mosquée. Donc, l'invocation qu'on doit dire à la mosquée, c'est... Non, ça, c'est en sortant de la maison. L'invocation qu'on dit en allant à la mosquée, c'est... اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا والله مد لوميير اللهم اجعلني في بصري نورا dans mes yeux la lumière et ainsi de suite. Prière inshallah. L'invocation à faire en rentrant à la mosquée. Essayez de réactiver un peu. La vocation qu'on doit dire en rentrant à la mosquée. Tout ça, c'est vous pour vous booster. Hein. Je ne cherche pas à vous tester. Hein. Loin de là, mon idée. Hein. C'est vraiment pour vous aider à avancer. Hein. Que vous puissiez tirer des leçons du temps que vous consacrez au cours et de ce que vous avez retenu. D'accord ? Et on n'est pas là pour ouais il a répondu, elle a répondu, elle est meilleure. On n'est pas dans cette. Exact. Donc quand on rentre à la mosquée, c'est ce qu'on doit dire. Mais il y en a une autre invocation. Donc Et vous savez, ce que vous faites là en répondant. Vous vous rendez pas compte, encore une fois, tout ce qu'on a dit, c'est que quand il y a une assemblée de science, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qu'Allah envoie. Il y a des anges qu'Allah a créés qui parcourent la terre et qui cherchent des endroits où on invoque Allah. D'accord? Et quand ils trouvent des endroits où ils invoquent Allah, ils s'arrêtent, ils étendent leurs ailes et ils invoquent pour ces gens-là. Et ensuite, on a tout ce qui... Donc, ça veut dire quoi? On est dans une ibadah déjà. Là, on est en train d'adorer Allah. Donc, on a des bonnes actions. Donc, tout le temps qu'on passe en train d'écouter le cours et enceinte, on a des bonnes actions. Et Allah nous enlève des péchés. Et plus on participe à l'institut, ça veut dire que ben on redouble d'efforts. Donc, tu as une récompense supplémentaire ou en plus, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est la première invocation. Quand on rentre avec quel pied à la mosquée? Le pied droit, effectivement. Donc, effectivement, quand on rentre à la mosquée... on rentre avec le pied droit Et c'est bien de, en fait, des fois, de ne pas être trop en ambiance avec des gens, parce qu'en fait, on oublie. On va pas faire l'invocation. Tu vois, quand on est avec des gens, des frères, des sœurs, ainsi de suite, on rentre, c'est machinal. Alors que non, faut vraiment que ça soit une démarche, tu sais, tout le temps nouvelle. Dès que tu vois que tu te rapproches, c'est bon, arrêtez de me parler, ou limite, j'essaie d'y aller tout seul pour que je puisse faire ça. D'accord? Et quand je vais rentrer à la mosquée, c'est pareil, ça y est, je me coupe du monde de la dunya. Là, je rentre dans un autre univers. Donc, je rentre avec le pied droit et je commence à me conditionner. Bismillah. Et je médite ce que je dis, en fait. Je vise ce que je dis. Je demande à Allah réellement ce que je dis. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc en fait voilà, c'est ça. Alhamdulillah. Bon, mashallah, vous avez pu suivre. Donc là on a dit la l'invocation qu'on est en train de voir. Pour voir si, pas si vous suivez, mais pour qu'on prenne un bon rythme. L'invocation qu'on vient de voir, c'est par rapport à quoi? L'invocation que je viens de citer, et la raison pour laquelle elle doit être faite, c'est ça concerne quoi? En fait, l'objectif, c'est ça. L'objectif, le sujet, c'est ça. C'est de ne pas... qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une mosquée, en fait? C'est ça, exactement, qu'est-ce qu'on doit... Enfin, le but, enfin, le sujet. Et il a donné deux situations. La situation où la personne chante ou psalmodie des choses, bien sûr, et la vente. D'accord ? Donc les deux choses, elles sont interdites. Et là, on a vu le hadith qui dit que c'est interdit de chanter. La preuve, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, si tu entends quelqu'un psalmodier ou chantonner dans la mosquée, dis-lui que Allah... En gros, qu'Allah te renvoie ce chant ou ce que tu as récité, et que les mosquées n'ont pas été construites pour ceci. Donc ça veut dire que demain, si vous voyez des gens psalmodier, ou si vous voyez des gens commencer à faire n'importe quoi, enfin, faire tout sauf le rappel d'Allah, bah vous saurez que ce sont des gens qui ne suivent pas les recommandations d'Allah. Parce que ce hadith, c'est un hadith authentique qui a été rapporté par Muslim. Comme je l'ai dit, on a deux livres de référence qui sont les références de la sunna, c'est-à-dire des hadiths authentiques, c'est Al-Bukhari et Muslim. Et donc ce hadith, il a été rapporté même par trois rapporteurs. Le premier, c'est Muslim. Deuxième, c'est Abu Daoud, qui est parmi aussi les savants qui ont rapporté des hadiths. Et Ibn Majah. Donc on a trois savants qui ont rapporté ce hadith. Donc c'est un hadith authentique. Donc vous savez dorénavant que la chose à faire quand vous êtes dans une mosquée, on ne va pas là-bas pour une ambiance, pour parler de la dunya, parler de vente, ou commercer, ou chantonner. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire du dhikr, méditer, lire le Coran, et quoi d'autre? L'autre chose, c'est la science religieuse. Donc, encore une fois, les trois choses, c'est les sciences religieuses. Donc, aujourd'hui, les gens qui appellent au vote, les gens qui nous disent qu'il faut voter, qu'il faut truc, ça fait partie de l'invocation qu'on doit faire ou pas? Non. Parce que là, on sort du contexte. La mosquée n'est que un moyen de transmettre la parole d'Allah, ou de l'invoquer, ou de l'évoquer, ou de se purifier, et ainsi de suite. Là, dernièrement, vous n'avez pas vu, c'est du n'importe quoi. Alhamdoulilah, en apprenant, vous allez vraiment, à un moment donné, voir l'égarement dans lequel on se trouve, et à tous les niveaux. Le but, encore une fois, après, ce n'est pas de pointer les gens du doigt, c'est de s'écarter de ces voies d'égarement. Comme Allah dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. » Ne suivez pas les voies qui mènent à shaytan. Et ça, ce sont des voies... L'inauguration des maires, du conseiller, du député, et après vous nous chantez la Marseillaise dans la mosquée. C'est un truc de malade. On a une mosquée d'homosexuels. Excusez-moi, c'est un peu dur, c'est un peu méchant, mais c'est une réalité. Et j'en passe, parce qu'encore une fois, mon but, Comme j'ai dit, si éventuellement demain, ça, c'est un créneau ou c'est un sujet ou c'est un point intéressant, on essaiera de trouver un moment, en fait, juste pour décortiquer un peu tout ce qui se passe et le mettre sous la lumière du Coran et de la Sunna. Peu importe chacun ce qu'il aura vu, ce qu'il aura aperçu, ce qui va le déranger ou le perturber ou des ambiguïtés. D'accord, par un fait ou par rapport à des actions, par rapport à des paroles, par rapport à des choses qui sont faites, et on va le mettre à la lumière du Coran et de la Sunna. Donc, on voit bien que les choses qui sont autorisées à faire dans la mosquée, c'est invoquer Allah, lire le Coran, ou lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il y a de plus valeureux et de plus honorable, c'est l'apprentissage de la science religieuse, d'une manière générale, et la science la religieuse. Et la science religieuse, la plus importante, c'est laquelle? La science la plus importante, c'est laquelle? C'est la science qui est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Alhamdulillah. Ça veut dire que, mashallah, il y a des choses qui rentrent, et c'est gratifiant pour moi. Alhamdulillah, qu'Allah mette la baraka dans ce que vous avez appris, que ça soit une science utile. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé le groupe science utile. C'est-à-dire que c'est une science qui nous est profitable au jour le jour et qu'on pratique. Donc, si je vous pose des questions, c'est comme ça. Voilà, le fait que vous le savez, vous allez forcément, inshallah ou ta'ala, le pratiquer. Et donc, ça veut dire qu'on avance et que Allah il est en train de nous rapprocher vers lui. Donc voilà, la science la plus importante, c'est la science qui est rattachée à Allah, mais toutes les sciences qui sont liées à la science religieuse. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a malheureusement. On a tout sauf ça, la preuve. Est-ce que dans les mosquées, on enseigne maintenant? Dans les mosquées, elles ouvrent 10 minutes avant et elles ferment 10 minutes après. Et après, la prière, on a l'impression, c'est... Bref. Donc voilà les invocations à faire, ou du moins le comportement à avoir dans une mosquée. Parce que la mosquée, en fait, c'est quoi? La mosquée, c'est quoi? C'est la maison d'Allah. C'est une maison où il doit y avoir que le nom d'Allah qui est mentionné. Donc, deuxième hadith, c'est un lieu de vie qui concerne la religion, si tu veux. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, c'est un lieu de vie ou de vie spirituelle, si tu veux, oui, et qui est rattaché forcément au culte, parce que c'est à travers ces actes cultuels que ton cœur vit. D'accord? Sinon, c'est pas le cas. Parce qu'un cadre de vie, oui. Oui, sociétal, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que ces prédicateurs, ils tirent pas des... je vois ce que tu veux dire. Mais vu que ces prédicateurs, en fait, n'amènent pas la communauté à être plus indépendante, plus investie dans sa religion, dans sa relation avec Allah, et ainsi de suite, bien au contraire, c'est dans l'intérêt du système. Donc malheureusement, ça touche des cas. Ils orientent leurs connaissances instituts pour le bien et le service du système où on se trouve, que ça soit en France, que ça soit en Espagne, aux États-Unis, ou ainsi de suite. Tous les musulmans, malheureusement, ils vont dans ce sens, alors que normalement, oui, c'est un lieu de vie. Et on va dire, on doit traiter des problèmes de société, mais qui concernent les musulmans, et dans l'intérêt de faire avancer et évoluer les musulmans, et de les faire sortir de cette léthargie, de cette domination et de cette soumission. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, bien, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, là, dès qu'on arrive, on approche des élections, chacun est en train d'appeler une voix. Est-ce que vous voyez qu'on appelle à Allah, et ils appellent à ce que on soit plus proche, on soit plus instruit? Non. Non. Non. Donc voilà. La mosquée, des cours de soutien pour les petits frères et sœurs, c'est une science également, et c'est possible de l'organiser pour aider la communauté. Oui, mais après, ça dépend des cours. Bien sûr, tout ça, c'est un fait. Mais quand vous allez vous rendre compte que malheureusement on est tous quelque part un peu touchés, quand je dis touchés, ça veut dire les prédicateurs et ceux qui sont là dans l'enseignement, malheureusement, je dirais que eux-mêmes devraient commencer à s'éduquer avant de chercher à éduquer les gens. Après, de les aider dans un domaine particulier, oui, mais étant donné que c'est naturel, quand tu transmets quelque chose, tu transmets forcément tes idées et tes pensées, tu vois, et tes positions. On peut le voir dans des différentes mosquées, on peut aller. Donc, moi, malgré que je vous dis que voilà, c'est mes positions, j'essaie de vous donner quand même des éléments, une certaine méthodologie, de vous donner des noms de livres, des noms de savants, de vous montrer, enfin de vous expliquer un peu la méthodologie que tout le monde doit avoir parce qu'elle est conforme à ce que les compagnons et ceux qui les ont suivis ont suivi. Et après, chacun va avoir des positions, des points de vue, des opinions différents. D'accord ? Mais la base est la bonne. La base est la même. Et c'est là où on voit que justement dans les livres de science et ainsi de suite, il y a des divergences entre les savants, mais leur développement et leur base, et ou du moins leur base d'argumentation, est la même. Donc, وروينا في صحيح مسلم وفيكم بارك الله وروينا في كتاب الترمذي وآخر كتاب البيوع منه donc il a été rapporté dans les livres de l'imam al-Tirmidhi dans le chapitre de la vente عن أبي هريرة رضي الله عنه excusez-moi j'ai sauté un hadith وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال Il a été rapporté qu'un compagnon dans la mosquée, il a été rapporté donc par les mêmes musulmans du compagnon Bureida, qu'un individu a chantonné dans la mosquée Nashada. C'est là où on voit Nashid. Voilà, ça vient de là. Nashid, Nashada. C'est-à-dire psalmodier, chanter, ainsi de suite. D'accord ? Nashada Yenshudu. Voilà. Et donc il dit Anna Rajulan Nashada fil Masjidi Faqal. Un individu a psalmodié ou a chantonné dans la mosquée et il a dit « Man da'a ilayya al-jamal al-ahmar faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la wajadta innama buyutin innama buniyat al-masajidu lima buniyat lahu » Pardon, donc il a fait une invocation, il a psalmodié un truc, mais vous n'allez peut-être pas comprendre, c'est des sortes de vers que les Arabes faisaient, parce qu'en fait, avant, les Arabes étaient très très forts au niveau poétique. D'ailleurs, c'est pour ça que le Coran, en fait, venait, on va dire, quelque part, les défier. Comme à chaque fois qu'Allah, en fait, il envoyait des prophètes, il envoyait des prophètes avec les miracles par lesquels cette population ou cette civilisation était éprouvée. Comme à l'époque de Issa, c'était la médecine. Et Issa, donc, il venait avec ce miracle-là de guérir le lépreux, de faire redonner vie aux morts, et ainsi de suite. D'accord ? Moussa, alayhi salam, c'était quoi ? Son système, il était dominé par quoi ? Par la sorcellerie. D'accord ? Donc Allah, quand il a envoyé Moussa, alayhi salam, quel miracle il lui a donné ? C'est des choses qui sont liées plus ou moins à la sorcellerie. Son bâton, il le jetait, il se transformait en serpent. Il mettait sa main dans sa poche et la sorcelle était blanche, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc les sorciers, en voyant ça, ils se sont soumis. Donc le prophète, sallam, Allah a envoyé au prophète, sallam, ce Coran en langue arabe, très explicite, et très à un niveau... pour défier les Arabes, vu qu'ils étaient très connus, c'était des gens très éloquents, très instruits, je parle pour ceux qui maîtrisaient surtout l'écriture, mais d'un point de vue oral et rhétorique, ils étaient très très très très savants, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ce que justement les Quraïchites faisaient à l'époque, leurs enfants quand ils venaient de naître, pour qu'ils ne soient pas mélangés aux différentes tribus qui peuvent venir de différents endroits lors de l'Hajj, parce que quand il y a l'Hajj, c'est pas comme au jour d'aujourd'hui, les gens ils viennent des mois et des mois et ils repartent des mois après, d'accord, le temps de se préparer, de s'installer, de passer les périodes de Hajj, après de repartir et ainsi de suite, de se reposer pour bien repartir. Donc le problème, c'est qu'ils venaient avec leurs enfants, et les enfants de différentes régions, quand ils venaient se mélanger avec les Quraïchites purs, ils entachaient leur manière de parler, leur comportement, ainsi de suite. C'est là où on voit que l'environnement influe sur ta personne, que tu le veuilles ou non. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Quraïchites ? Ils faisaient en sorte de donner leurs enfants à des nourrices dans des endroits reculés, où l'arabe Il a, et comment s'appelle, la robustesse, ainsi de suite. En fait, ils éduquaient leurs enfants dans, en gros, c'est un, comme un cursus, quoi, qui leur font suivre. Donc, du coup, les enfants, dès leur plus jeune âge, ils partaient chez leur nourrice. Ils étaient allaités par elle, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a la question de frère ou sœur de lait. Et qu'en fait, il venait qu'à arriver à un âge où il était, il a atteint une certaine robustesse, une certaine éloquence, et comment s'appelle, un certain art de vivre et comportement, et ainsi de suite. Donc, il faisait pour pas qu'il se mélange à ces gens-là. Donc, comment s'appelle? Oui, donc par rapport au Nashid. Donc en fait, Allah il m'a envoyé donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce livre pour défier en fait les Arabes, car ils étaient très très très éloquents par rapport à ça. Donc du coup, là le vers que je vais citer, c'est un vers. Vous allez peut-être pas comprendre le sens, mais en fait c'est voilà, c'est un vers. Il a dit: Man da'a ilayya al-jamal al-ahmar. Celui qui m'appelle verra une belle beauté, et ainsi de suite. Vous n'allez pas comprendre le sens. De toute façon, moi non plus, je ne suis pas très calé en tout ce qui est en shi'a, les poèmes. Mais je sais que c'est un poème. Donc ensuite, le prophète Sassam lui a répondu. Donc quand il est rentré, ce compagnon, il a récité ce qu'il a récité. Et le prophète Sassam, en l'entendant, il lui a dit: La wajatta innama buniyat al masajidu lima buniyat lahu. Qu'est-ce que tu, en gros, qu'est-ce que tu avances là? Innama, les mosquées ont été construites pour l'objectif dont elles ont été construites. C'est quoi? Dhikrullah. C'est tout. Donc de raconter ou de réciter des vers, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif de la mosquée ou qu'est-ce qu'on doit faire dans la mosquée? Voilà. Donc warawayna fi, donc ce hadith est sahih, rapporté par Muslim. Rapporté aussi par Nasa'i et Ibn Majah. Wa rawayna fi kitab al-Tirmidhi wa fi al-Tirmidhi fi akhir kitab al-Buyu' minhu. Donc il a été rapporté dans le livre de l'imam al-Tirmidhi, qu'il a dit dans son livre, dans le chapitre, parce qu'en fait l'imam al-Tirmidhi, c'est comme les autres sahih de Bukhari, de Muslim, il y a des chapitres en fait. D'accord, il y a des chapitres. Et lui, c'est pareil. Donc, il a dans son chapitre de la vente, ou du moins du commerce, pardon, il a rapporté de Abu Huraira, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال, إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقول لا رد عليك. قال الترمذي حديث حسن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Si vous voyez quelqu'un commercer dans la mosquée ou comment s'appelle? Ah oui, yabta'u. Donc je disais idha ra'ayt, donc si vous voyez quelqu'un vendre ou commercer, c'est-à-dire discuter commerce ainsi de suite dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne mette pas, qu'Allah ne te facilite pas cette affaire. C'est grave hein, quand même. Le fait de, à la base, on ne doit pas souhaiter le mal, mais là, dans ce cas de figure-là, donc celui qui vend dans la mosquée, le professeur nous a dit de lui répondre quoi? La arbaha Allahu tijarataka. Qu'Allah ne te facilite pas ton commerce. D'accord? Wa idha ra'aytum, et si vous voyez quelqu'un chanter ou psalmodier fi dhallatan faqulu, si vous voyez quelqu'un psalmodier des vers ou des chants, faqulu la raddallahu alayka, qu'Allah il te le renvoie, enfin qu'Allah il te, dire que cette ce chant ainsi de suite, qu'Allah il te le renvoie. D'accord? Donc tout ça pour comprendre que finalement c'est pas compliqué, finalement la religion, c'est on fait ce qu'Allah nous a demandé de faire, et ce qu'il nous a pas demandé de faire, on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre, parce que vous allez voir que la majorité des gens, franchement, je vais être un peu méchant, mais pas vraiment, enfin méchant, mais pas, c'est, on est comme des bahaïm, des animaux, enfin des, on ne réfléchit pas, on ne comprend pas qu'il y a des choses très très simples qui peuvent nous donner beaucoup de bonnes actions et ainsi de suite. C'est juste de respecter, comme on a vu juste avant les versets, pas aujourd'hui mais je crois hier, du fait que celui qui vénère ou qui donne de l'importance aux prescriptions, aux recommandations d'Allah et à ses ordres, Ça fait partie de la piété des cœurs. Il ne faut pas regarder les gens. Si on commence à regarder les gens et comment ils pratiquent, on va être perdu, on va s'égarer. D'accord ? On a, alhamdoulilah, un Coran, la Sunna, les savants ont fait ce travail depuis toutes ces années, ces siècles, pour faciliter à tout le monde et à tous les niveaux. Après, c'est une démarche individuelle et personnelle. Donc quand on fait les choses, il faut les faire soi-même, de prendre des engagements avec Allah, de prendre des nouvelles résolutions. Voilà. Donc pour le livre de fiqh, le livre d'invocation, c'est fini. Le prochain chapitre, inshallah, ça sera Babu du'a'ihi ala man yanshudu fil masjid sha'ran laysa fihi madhan lil islam wala tazhidun wala hathu ala makarimi al akhlaqi wa nahwi dhalik. De toute façon, ce chapitre là, il est pas long parce qu'après on va rentrer dans le bab al adhan. OK. Donc, on s'arrête là et on reprend dans le livre de fiqh. Et là, il faut prendre des notes. Je vais poser quelques questions. Et après, au fur et à mesure que je pense qu'on va passer des chapitres, j'essaierai de préparer quelques questions générales. Je vous les balancerai. Et après, attention, je vais vous les balancer, les questions, vous allez les préparer. Vous aurez le droit de votre côté, de reprendre les livres, de reprendre vos notes et de faire des petites recherches pour essayer de formuler, de construire un peu vos réponses. Après, le but, c'est pas de développer, hein. C'est l'essentiel d'y répondre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Quel est le sujet qu'on a vu hier? On a fait Kitab al-Tahara. Pourquoi? Parce qu'on est en train de démarrer un livre de jurisprudence. Et comme je vous l'ai dit, la jurisprudence a été partitionnée de telle manière à ce que ça soit chronologique par rapport aux actions. D'accord ? Donc, avant toute action qui doit être vouée à Allah, on se doit d'abord de se purifier. Forcément. Donc, maintenant qu'on a déterminé ça, on va voir la purification exactement. Kitab al-Tahara. On va voir la purification qui se divise en plusieurs chapitres. Et je vous en avais cité combien hier? Donc ce chapitre des purifications, il est composé, attention, hein, c'est pas d'une manière générale, c'est le cheikh qui a écrit ce livre, qui a déterminé et par rapport à son approche, pour que ça soit très simple à apprendre et comprendre. Donc il a dit qu'il y a 11 chapitres. Dans le chapitre des... il y a 11 sujets dans le chapitre de la purification. Le premier, c'est le chapitre des eaux. Le deuxième, c'est le chapitre des récipients. Le troisième, c'est le chapitre de comment faire ses besoins. Le quatrième chapitre, c'est le chapitre sur le siwak. Le cinquième chapitre, c'est sur l'eau d'eau, sur les ablutions, comment on les fait. Le sixième chapitre, c'est le sixième chapitre, c'est bab al-mashu ala al-khuffayn, de faire les ablutions, de faire le passement ou le passage sur les chaussettes ou sur le khuffayn, et ainsi de suite. Le septième chapitre, c'est les actes annulatoires de l'eau d'eau. Le huitième chapitre, c'est le rossel, comment on fait le rossel, les grandes ablutions, une fois qu'on a eu les grandes pertes. Après, il y a Tayammum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, maintenant, on est sur le chapitre des eaux. Parce que c'est le premier sujet du chapitre de la purification. Et donc, Qawluhu, on était arrivé à la partie Awwalan, donc premier chapitre, premier point, premier sujet, Babul Mi'ahi. Al-Mi'ahi, c'est l'eau. Et ça vient de Al-Ma'u. Al-Mi'ahu, c'est les eaux, au pluriel. E-A-U-X. Et donc, on avait. pardon. Donc on avait vu quelques explications et je vous avais dit que le livre, en fait, chaque point, chaque mot qui vont être cités, ou qui va être cité, il va être expliqué. Parce que le but, justement, c'est ça, c'est de comprendre chaque terme, qu'est-ce que ça signifie, et d'avoir le vrai sens selon le shara. C'est pour ça qu'après, quand vous allez débattre avec des gens, enfin, débattre, discuter avec des gens, ainsi de suite, si vous êtes sur la même méthodologie, vous allez vous entendre. Parce que vous avez la même méthodologie, et forcément cette méthodologie est une. Il y a une manière d'approcher les textes, pas n'importe comment. Par contre, si vous parlez avec des gens qui ne sont pas instruits ou qui ne sont pas dans cette méthode, dans cette démarche-là, vous allez voir qu'en fait, il part d'un sujet, il sort dans un autre, il revient dans un truc, et ainsi de suite. C'est le brouillard, enfin, c'est le bazar, en fait, dans sa tête. Parce que finalement, il ne connaît pas, enfin, il ne sait pas comment elle est instituée, constituée et codifiée, sa religion. D'accord ? Donc, on avait vu le premier chapitre, donc le premier point qui est les eaux. Ensuite, on a vu qu'est-ce qui expliquait derrière, enfin, dans le livre, Kitab al-Tahara, qu'est-ce que ça veut dire les livres des ablutions ou de la purification. Tahara, dans le mot, dans la langue arabe, c'est d'enlever, de faire disparaître la chose pour laquelle on fait ces ablutions. C'est-à-dire une impureté, ou parce qu'on a perdu nos ablutions, et ainsi de suite. Donc, la tahara, le mot tahara, purification, ça veut dire enlever quelque chose qui s'est installé suite à une action. Les toilettes, on est parti faire ses besoins, ou après une relation, ou après, voilà. Donc, ensuite, on s'était arrêté à قَوْلُهُ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا. Et c'est ce qu'on a vu. Là, donc, on va expliquer ce que je viens de vous poser comme question. J'ai dit qu'il y avait 11 chapitres, 11 points. Donc, ces 11 points, le cheikh, il va expliquer. Quand il dit « wa qawluhu » et quand il dit, donc là, je traduis littéralement, quand il dit « qawluhu », c'est-à-dire quand il dit « wa fihi ashara baban », quand il dit « il y a 11 chapitres ou 11 points »,« qala shaykhuna hafidhahullah »« hada wa hada tartib man mantiqiyun » Ça, c'est une chronologie établie et réfléchie. Dans la purification, il y a 11 chapitres, c'est ça. Non, dans la purification, il y a 11 points, parce qu'à la base, ils appellent ça chapitre ou point ou sujet, si tu veux. Mais voilà. C'est bon ? Donc il dit وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لا تكون إلا بالماء فجعله أولا الأبواب ثم توضع المئه في الآنية ثم لابد من الاستنجاء قبل الوضوء على شرط المصنف ثم يسن. Donc je vais traduire déjà cette partie là. Donc c'est ce que j'expliquais en fait, ou du moins c'est ce que j'essaie d'apporter comme explication pour vraiment vous faciliter l'approche et la lecture de différents livres que vous allez peut-être demain ouvrir ou lire, d'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait c'est ça normalement, que c'est cette science-là qui devrait nous transmettre avant tout. Avant de rentrer dans des finalités, dans leur position, de leur opinion, de leur point de vue ou de leur approche, il faudrait d'abord qu'ils commencent à nous transmettre la science telle qu'elle est. Après, quand il y a des sujets d'actualité ou des besoins par rapport à la société dans laquelle on vit, ainsi de suite, hein, là, à ce moment-là, ils peuvent apporter d'autres opinions les concernant ou quoi, mais il faut que ça soit tout le temps sur une base. Avant tout, Allah, il ne va pas nous demander est-ce qu'on a voté, est-ce qu'on n'a pas voté, est-ce qu'on a payé nos impôts, est-ce que... C'est pas ça. On ne connaît même pas notre créateur. On ne connaît même pas le mot de tawhid. On ne sait même pas en quoi il se divise. On ne sait même pas qu'est-ce que ça implique. On ne sait même pas. C'est pas normal. Pendant ça fait des années, des années, des années, des années, continuent à nous prêcher des choses, on ne comprend pas en fait vers quoi ils sont en train de nous amener. Est-ce que c'est à la connaissance d'Allah ? Est-ce que c'est à la connaissance de ce système ? Et je vous dirais, même ce système, ils ne le connaissent même pas. Pour eux, c'est une démocratie, c'est une laïcité. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire laïcité. Ils ne savent même pas qu'en fait, ce concept-là, c'est un concept franc-maçonnique. On le voit dans la déclaration de l'homme. On a tous les symboles et ainsi de suite. Ce coup d'État ou cette révolution, soi-disant 1789, ce n'est pas une révolution... des pauvres contre le gouvernement et ainsi de suite. Non, c'était qu'ils devaient changer de système, parce qu'avant c'était un système royaliste ou royal, c'est-à-dire qu'il y avait un roi et ainsi de suite. Donc il y avait voilà, et le côté, on va dire, l'aspect spirituel et tout ça, c'est le clergé qui dirigeait et qui gérait tout ça. Donc là, le but, c'est qu'ils devaient passer dans un nouveau système du nouvel ordre mondial, bien sûr, et donc il fallait créer un nouveau système qui sera appliqué à échelle mondiale. C'est pour ça que la France, c'est un pays assez particulier, hein. C'est un pays précurseur dans plein de mouvements. Avant La déclaration des droits de l'homme, soi-disant de 1789, d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme, comme ils disent, bil arabiya, huquq al insaniya, c'est devenu un concept mondial. Et il a démarré où? En France. Les francs-maçons, ils ont démarré où? En France. Et ainsi de suite. Bref, encore une fois, malheureusement, ces gens-là, au lieu de rentrer dans des sujets qui les dépassent, ça serait mieux qu'ils fassent un petit break en arrière, qu'ils retournent dans certains ouvrages pour essayer de comprendre à la lumière de ce qu'ils ont appris au jour d'aujourd'hui d'un point de vue religieux, est-ce qu'il n'y a pas des subtilités qui nous passent sous le nez. Donc le cheikh a dit, ça c'est une chronologie du moins, comment les savants ont détaillé les livres, d'une manière à ce que la purification, c'est ce que je vous disais, c'est la première des choses. Donc la purification, la purification ne peut se faire qu'avec de l'eau, dans un premier temps. Donc si, vu que la purification pour se présenter devant Allah ne se fait qu'à travers l'eau, il faut forcément... Vu que la purification, oui, se fait qu'avec l'eau, donc ils ont fait en sorte que l'eau soit le premier chapitre. Forcément. Ensuite, tout ce qui va suivre. Donc après l'eau, c'est quoi? Une fois qu'on a déterminé l'eau, il faut bien qu'on mette cette eau-là dans un récipient. Donc c'est pour ça que le chapitre suivant, c'est le chapitre des récipients. Ensuite, le chapitre des récipients, c'est comment faire l'eau d'eau. Donc, l'istinja. Parce que la première des choses, c'est on va aux toilettes, excusez-moi du terme, et après on s'essuie avec de l'eau. Donc là aussi, ils nous apprennent. Donc, en fait, c'est chronologique, cette la manière dont les livres de fiqh, pas que ce cheikh-là, hein, tous, ils ont gardé la même méthodologie. C'est une méthodologie réfléchie et chronologique dans les événements et dans la vie du croyant. Et c'est pour ça qu'ensuite, ثم يسن السواك قبل الوضوء. Et ensuite, il est bien de mettre le siwak avant l'eau d'eau. D'accord? Donc c'est pour ça que dans les 11 points que le cheikh a cités, il a mis le siwak en troisième partie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez voir que finalement, ils ont fait ce travail. Wallah, on va voir que finalement, l'approche et l'étude, elle est super simple. Hein. Et parce que le travail, il est mâché. Juste, le seul obstacle, c'est la langue arabe. Et malheureusement, on a des gens qui nous enseignent des choses, mais ils ne nous enseignent pas ce qui va nous élever, ce qui va nous purifier, et surtout, ce qui va nous préparer à être devant Allah et répondre aux questions. Allah al-Musta'an. فإذا توضأ ووصل إلى الغسل الرجلين قد يجد عليهما خفين. Donc là en fait il explique, franchement mashallah, le cheikh il a vu qu'on était des handicapés dans notre cerveau, j'en fais partie, hein. Donc le travail il est vraiment mâché, il explique, bon on est handicapé en même temps, je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, on est dans une époque. Et en même temps, tout l'environnement technologique et ainsi de suite nous pourrit et nous pollue l'esprit, sans compter le rythme de travail qu'on a. C'est... Voilà. Donc, il y a trop d'éléments qui font qu'on n'arrive plus à réfléchir, en fait. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah a fait en sorte qu'il y a des gens de science qui ont une certaine perspicacité et qui savent, enfin, qu'ils ont compris que notre cerveau est rouillé et que pour le dérouiller, il fallait y aller tout doucement. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait le siwak, avant l'eau, فإذا توضأ, donc automatiquement après donc on fait l'eau, ووصل إلى غسل رجلين قد يجد عليهما خفين. Lorsqu'il va faire donc ses ablutions ainsi de suite, il va retrouver, il va voir que à ses pieds il a des خفين. Des خفين, c'est comme si vous voulez des sortes de chaussettes en cuir. Je sais pas, ceux qui connaissent les tabliers, ils utilisent beaucoup ça. Ou ceux qui sont souvent dans les mosquées ou beaucoup dans les mosquées, ils utilisent comme des sortes de chaussettes en cuir. Mais les savants, on va voir dans ce chapitre qui sera consacré à Mas'h al-Khufayn, qu'est-ce qui rentre dans le Mas'h al-Khufayn ou pas. Donc il a dit ensuite, il est en train de nous expliquer comment ils sont constitués et concrètement que ça va avec la logique. Donc après, t'as le Khufayn, thumma qad yatawadda. Ensuite, il peut donc faire ses ablutions ou faire le Mas'h sur ses Khufayn. Thumma ya'ridu lahu 'aridun mimma yanqudu al-wudu. Ensuite, il connaîtra ou il va étudier ou voir les points qui annulent l'eau d'eau. Au cas où il y a une chose qui est survenue. قد يفاجأ الإنسان بما يوجب الغسل ثم قد يريد الصلاة. Donc il se peut qu'il va rencontrer un obstacle ou quelque chose qui a peut-être mis un doute dans sa tête par rapport à la validité de ses ablutions parce qu'il veut prier. va dire, ah, mais attends, je voulais faire prière, mais attends, peut-être que ça, je ne l'ai pas fait. Ou il s'est passé ci. Ou est-ce qu'après ça, mes ablutions sont encore bonnes? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il veut faire sa prière et il sait que, vu que maintenant il connaît, il va se poser les bonnes questions. Donc, quand il va voir que finalement, il veut prier tout ça, mais il ne trouve pas d'eau autour de lui, ainsi de suite, ben, il va trouver quoi? Tayammum. C'est le chapitre qui suit. Donc, il va voir qu'il n'a pas d'eau, il n'a pas la capacité de trouver de l'eau, et ben, il saura qu'il peut faire Tayammum. Et là, il va expliquer, donc, on va voir le chapitre de Tayammum, les différentes manières de faire Tayammum et comment elles doivent être faites. ثم قد يتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه أو مكان صلاته. Ensuite, lorsqu'il va vouloir faire la prière, فيجد نجاسة, il va peut-être trouver dans l'endroit où il va faire la prière des impuretés ou des choses qui concernent l'impureté, ou bien il va trouver une impureté sur son vêtement, ou bien sur l'endroit sur son corps, d'accord? Sur ses mains ou sur sa tête, ainsi de suite. Donc, encore une fois, on voit la chronologie des événements et des chapitres, comment ils ont été institués. فَأَعْطَاهُ الْمُصَنِّفُ أَحْكَامِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ اخْتَمَهَا بِبَابٍ الْحَيْضِ. Donc ensuite, on va rentrer où le shir, il a expliqué le chapitre justement, comment enlever les impuretés, et ensuite on rentre dans le chapitre qui suit, c'est le chapitre concernant les femmes, qui tout ce qui est les menstrues, et ainsi de suite. Donc, et vu que, en fait, le chapitre des menstrues des femmes, ainsi de suite, il a été mis en dernier, à la fin, parce que d'un point de vue matériel, ainsi de suite, dans la prière, la femme, elle est derrière. Donc c'est pas parce qu'elle est derrière, hein, c'est par rapport à la comment ça a été institué de la part d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont gardé en fait ce truc-là, donc ils ont mis aussi ce chapitre-là à la fin. D'accord. Qawluhu Babul Mi'a. Donc on a vu le chapitre de Babul Mi'a, d'accord. Le chapitre des eaux. Là maintenant, en fait, on vient de s'arrêter sur le chapitre, on vient de s'arrêter sur l'introduction et sur les 11 points qui ont été cités ici. Et là maintenant, on va rentrer sur le chapitre des eaux, c'est-à-dire ici. Il dit وَفِيهِ بَابُ الْمِئَهُ, le chapitre des eaux. الْبَابُ, quand vous allez voir dans un livre chapitre ou babou qui veut dire porte normalement, d'accord, si on traduit littéralement bab, c'est le bab, d'accord, c'est la porte, mais dans ce cadre là on traduit pas par porte, on traduit par chapitre ou par thème ou par ce que tu veux. Donc babul mi'a, on va, comme je l'ai dit, le cher, et c'est pour ça que je prends le temps pour que vous puissiez demain quand vous allez ouvrir, vous n'allez pas être perdu. Vous allez voir, vous allez comprendre comment il se constitue, comment il s'écrit, ou du moins vous allez voir la méthodologie des livres. D'accord? Parce qu'ils sont tous de la même manière. Sauf, bien sûr, en fonction du sujet qui va être traité. Fiqh, Lugha al-Arabiya, Tafsir, Ilm al-Tajwid, et ainsi de suite. Mais ça commence tous de la même manière. Babou. Chapitre par lequel ils ont déterminé que ça doit commencer. Donc babu huwa al-madkhal ila shay. Quand on dit babu, c'est la chose par laquelle on commence ou par la chose par laquelle on va rentrer. D'accord? Babu al-babu, écrivez parce que c'est très important, je vais vous poser des questions sur ça parce que c'est des choses qui reviennent tout le temps. Al-babu huwa al-madkhal ila shay'in. Quand on dit donc porte ou chapitre, quand vous entendez le mot babu al-mi'ahu ou babu at-tahara ou babu ainsi de suite, ça veut dire al-madkhalu ila shay. On va rentrer dans ce qui va suivre. C'est-à-dire, par exemple, si on dit babu al-mi'ah l'eau, on va rentrer dans le chapitre des eaux. Est-ce que vous avez compris? Répondez parce que ça, vous allez être questionné. Donc, quand, en fait, dans chaque livre de science, vous allez tout le temps voir babu. Pareil, par exemple, dans Sahih al-Bukhari, vous allez ouvrir le livre des invocations. Il va commencer par Babu Kitab al-Iman, chapitre ou de, du livre de la foi. Babu Kitab, ainsi de suite. Vous avez tous, ça commence tous comme ça. Donc en fait, c'est quand on commence un sujet. Donc il y aura écrit Babu, ainsi de suite. Par exemple, on va dire que là, je vais parler de la prière. Je vais dire Babu as-salat, ou Babu Kitab as-salat. T'as compris, Samir? Et al-Babu, c'est ou al-Madkhal, c'est le de rentrer, de commencer. C'est de commencer, c'est-à-dire quand vous voyez Bab, ça veut dire que on va commencer dans ce chapitre, on va commencer dans ce sujet. Comme quand on dit Bab, qu'est-ce qui se passe Bab? Une porte, c'est quoi? Tu l'ouvres et tu rentres. D'accord, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est Babu al-Mi'ahu, c'est-à-dire je rentre dans ce sujet-là. Parce que c'est ce que vous allez retrouver dans tous les livres. Là, d'une manière générale, après, normalement c'est comme ça. Ce que vous allez retrouver, voilà. Babu al-Awwalu al-Imanu billah. Voilà. Là, j'ai pris mon livre de fiqh et ça commence par ça. Babu. Toujours. D'accord. Que al-babu, ça veut dire entrer dans le sujet de, voilà, une entrée en matière. Par exemple, voilà, exactement. Entrer dans la entrer dans la matrix. On va bientôt aller là, la matrix. Hein. Je vous en parlerai à l'occasion. Là, il est un peu tard, je ne pourrais pas. Je suis en train de préparer des jonctions. Voilà. Donc, on va continuer. Al-mi'a'u. Donc là, on a vu al-babu. Parce qu'en fait, le chapitre, il va s'écrire comme ça. Donc le chapitre, il va s'écrire comme ça. Et donc là, on vient d'expliquer, ou du moins, le shir explique ce mot. A expliqué ce mot, déjà. Bab. Donc, bab, comme j'ai dit, ça veut dire porte. Ok? Ensuite, elle... Al-mi'a'u, on va l'expliquer tout de suite. C'est pour ça que je dis que finalement, il suffit juste qu'on ait un peu d'arabe et tout est expliqué. Chaque mot est expliqué. Et c'est où est-ce que c'est compliqué? Et surtout que maintenant, on a aussi ces livres-là qui ont été expliqués même en audio. Donc vous avez même des cours sur comment ça s'appelle, de ce livre-là sur YouTube ou sur une chaîne, parce qu'ils ont ce chir-là entre autres. Et ceux qui sont dans ce programme-là, ils ont un groupe sur Telegram où il y a un programme d'étudiants en sciences. Donc c'est accessible à tout le monde. Ils nous donnent tous les conseils. Donc on peut se passer de ces prédicateurs qui finalement ne nous enseignent pas notre religion. Ils ne nous apprennent pas à connaître Allah. Ils ne nous apprennent pas à pratiquer, à connaître. On est obligé à chaque fois, on est tout le temps dépendant, à poser tout le temps les mêmes questions et tout le temps en train de rabâcher les mêmes choses. À un moment donné, c'est bon, on passe à autre chose. On ne va pas toute notre vie parler du comportement des parents, avec les parents, ou les ablutions, ou le hajj, et ainsi de suite. À un moment donné, c'est bon, on sait comment ça se pratique, on sait comment le pratiquer, on passe à autre chose. On essaie d'élever un peu notre regard et notre conscience quand même. Là, on est tout le temps... Ouais, les problèmes de couple, les problèmes de santé, les problèmes de trucs, les problèmes... Ouais, mais après... À un moment donné, il ne faut pas essayer de chercher à résoudre le problème. Il faut donner les outils aux gens pour qu'ils s'émancipent et ils sortent de ces problèmes-là. Et en écoutant ces gens-là, en fait, ils ont indirectement, encore une fois, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'indirectement, sans s'en rendre compte, ils entretiennent en fait cette maladie finalement qu'on a dans le cœur, tous. Qui est quoi? C'est l'ignorance. Donc, al-mi'ahu. Jem'u ma'in, c'est le pluriel de l'eau. Donc E-A-U-X. Donc al-mi'ahu, babul mi'ahu, ça veut dire chapitre des eaux. Ok. Ensuite, il va expliquer donc qu'est-ce que ça veut dire. On a dit qu'est-ce que ça veut dire al-bab. Et là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire al-mi'ahu. Al-mi'ahu. Deux points, ça veut dire jam'u ma'in. C'est le pluriel des eaux ou de l'eau. Ay. Donc en fait, dans ce sujet-là, ça veut dire « Ay ahkam al-muta'alliqatu bil-miyahi wa aqsamiha ». Donc, en fait, quand il y a écrit « bab al-miyahi » ou « bab » ce que vous voulez, c'est en fait le statut qui est rattaché à cette eau et ses différents points. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez besoin que je répète? N'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. El-Miyahu, c'est l'eau au pluriel. Et on a vu que le chapitre, je vous l'ai marqué au début, en rouge, il y a écrit, le chapitre, quand je vous le relivre, il y a écrit Babul Miyahu. On a expliqué le mot Bab, ça veut dire porte. Mais concrètement, ça veut dire de rentrer dans quelque chose, comme elle a dit la sœur Jasmine, une entrée en matière. Ok. Ensuite, on va voir le mot qui suit après, c'est El-Miyahu. On a vu qu'El-Miyahu, ce mot en lui-même, il est au pluriel. El-Miyahu, il est au pluriel. Et son mot au singulier, c'est Ma'in, l'eau. Donc là, il a expliqué l'eau. Donc maintenant, qu'est-ce que le mot eau veut dire ou veut sous-entendre dans le fait qu'il soit le titre d'un chapitre? C'est Ayya, donc ça veut dire, en gros, Ayy, ça veut dire Ahkam, Al-Ahkamu, Al-Muta'alliqatu. C'est les règles qui sont rattachées. Muta'alliqa, ça vient de alaqa, ya'alaqu. D'accrocher ou d'attacher. D'accord ? Muta'alliqatu bil-mi'ahu, qui est rattaché aux eaux, E-A-U-X. Et ces différentes catégories. Vous avez compris ? Vous avez noté ? Tant pis pour vous, après celui qui a pas bien répondu ou qui répondra pas, il aura des devoirs. Hein. Il va recopier 100 fois ou 200. Je rigole. Ah, si tu entends pas, je sais pas, mais normalement, moi je suis pas coupé. Vous m'entendez les autres? Essayez d'être interactif comme ça en avance, c'est-à-dire que si elle entend, essayez d'être entre vous. Hein. Non, moi j'entends, avant on t'entend pas. Donc ouais, vous entendez alors. Taïb. Aqsamul mi'ahu. Donc on a expliqué Aqsamul mi'ahu. Ok. Donc on va s'arrêter là, je pense, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on, bon, alhamdoulilah, on a quand même fait pas mal. Et après, on commencera sur Aqsamul mi'ahu thalathatun. Les catégories ou les différentes catégories des eaux sont au nombre de 3. Donc le prochain chapitre, inshallah. C'est le. Maintenant qu'on a expliqué ce chapitre-là, ensuite dans le livre il est écrit Aqsamu al-mi'ahi thalathatun. Et là donc on va voir Aqsamu al-mi'ahi thalathatun. Les catégories d'eau sont divisées en 3. Et Inch'Allah, on va voir dans le prochain cours. Bihawlillahu ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Amin. Et qui nous permettent que ça soit profitable, Inch'Allah ta'ala, et qui nous pardonne, qui nous guide et qui nous raffermisse. Amin, amin, amin. On continue, et on ne va pas encore une fois s'étaler, sur le chapitre, sur la aqida, sur la croyance, et on s'arrêtera là, Inch'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد alors le livre de la croyance يستمد علم العقيدة مادة Non, je crois qu'on avait commencé. Oui, on avait commencé, je crois, non? Non? On n'avait pas commencé? Parce que que je pense qu'on s'était arrêté. Ah non, non, non, c'était pas. On va bientôt commencer là, Inch'Allah. Alors, on s'est arrêté juste avant al-wajibat. Awwal al-wajibat, les premières obligations. Les premières obligations. Bon, je vais pas vous truc parce que je pense que je vais devoir attendre 15-20 minutes pour la réponse. Je vous taquine, hein, franchement, vous savez très bien. Bon, vous savez très bien. J'essaie de casser ce sorte de faux respect des fois qu'il y a entre les gens qui ont un peu de connaissances ou quoi. C'est vraiment d'essayer de que ça soit convivial. La première des choses, les premières obligations. La première obligation, c'est quoi? C'est « فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهَ بِالتَّوْحِيدِ » La première des choses qu'on se doit d'accomplir, ou que le serviteur se doit d'accomplir, c'est d'unifier Allah par ce qu'il sait lui-même unifier. Allah, il a dit qu'il a deux, il a des yeux, il a des yeux. Comment? Deux, trois, Allahu a'lam. Mais comment ça? C'est pas mon problème. On ne nous a pas questionné, on ne nous a pas donné d'informations, le prophète s'en n'a pas cherché à savoir, les compagnons n'ont pas cherché à savoir, les enfants des compagnons non plus, et ainsi de suite. Allah, il a une main droite, ou il a la main droite, oui. Combien? Une, deux, trois, Allahu a'lam. Elle est comment? Elle est comme nous? Allahu a'lam. Mais comment ça? Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Déjà, il faut que j'arrive à faire ce que Allah m'a demandé de faire, que je rentre j'essaie de vouloir rentrer dans l'essence d'Allah. Et bien plus que ça, c'est que notre cerveau n'a pas cette capacité à réfléchir des choses qui les dépassent. Donc à un moment donné, à l'intérieur, ça va fumer. Il y a des fusibles qui vont sauter. Donc il vaut mieux pas s'aventurer dans des domaines qu'on ne nous a jamais demandé. Ça n'a jamais été le cas des compagnons, ni de ceux qui les ont suivis parmi Al-A'imma. Donc on s'arrête où ils se sont arrêtés. Si on arrive déjà à faire le minimum, le 5% de ce qu'ils ont fait, c'est déjà beaucoup. Donc, d'unifier Allah parce qu'il s'est attribué lui-même dans le Coran et à travers les hadiths qu'il a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de Jibril alayhi wa sallam. Et ce sur quoi il s'est arrêté, on s'arrête. Moi, je mets, on va dire, limite, je vais brider mon cerveau à ce niveau-là. J'ai pas d'informations. Et je sais qu'ils n'ont jamais cherché, donc khalas, ça c'est fermé, ce sujet-là, il est fermé. Allah, il est comme il est, il est comme il s'est attribué, c'est tout. Moi, maintenant, j'essaie de comprendre ce que je dois faire et connaître Allah et m'arrêter où ce qui nous est demandé, où on doit s'arrêter. Alors, donc la première des choses, c'est ça. La première des obligations. Ensuite, bon, on avait vu le hadith, justement, de Mu'adh ibn Jabal. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Non. Après, donc là, c'était le premier point. Bon, c'est pas grave. Le deuxième point, c'est... Ah, vous avez pas pris des notes, alors? Après, je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes partout, parce que c'est des hadiths que vous pouvez retrouver partout. Vous allez mettre hadith d'Ibn Jabal, de Mu'adh ibn Jabal. Il va sortir comme il est. Après, si vous voulez, comment s'appellent les références, je vous ai dit, n'hésitez pas. Les cours sont pour vous et pour que ça soit accessible. Si vous avez des questions, ainsi de suite, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a une sœur qui m'a dit que c'est vrai, je vais un peu trop vite, ainsi de suite, dans les explications. Mais parce que je sais que je ne vais pas passer 10 heures à vous expliquer les choses, je sais que vous avez du temps. J'en suis sûr que là, déjà, il y en a qui doivent être assommés, que à l'intérieur, ça doit être le brouillard. Il y en a, ils ont décollé. Il y en a, ils sont dans un autre monde. Donc, je sais très bien. Non, je sais. Mais tu m'avais dit par rapport au fait que des fois, j'explique vite et je ne prends pas le temps de répéter. Mais c'est à vous de me dire. La référence, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Tu mets hadith, H-A-D-I-T-H, de Mu'adh ibn Jabal, Yémen. Et tu mets Yémen, donc Mu'adh ibn Jabal, Yémen, et tu verras, tape sur internet, il va sortir le hadith. Mais c'est ça quand on va à la fac, hein. Il faut savoir prendre des notes. Hein. L'université, tout ça, le professeur, il ne te récite pas. Non, mais je rigole, hein, je vous taquine, hein, mais c'est comme ça, ben, participer. Hein. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il est connu parce que c'est le hadith de référence dans la da'wa ila Allah. Et c'est ce sur quoi tous les savants, ils orientent leur manière de faire ad-da'wa. Comme je le disais, la manière de faire ad-da'wa, c'est en fonction de l'égarement des gens. Et aujourd'hui, l'égarement des gens, j'ai mis un truc dans mon profil. Inch'Allah, quand vous allez apprendre l'arabe, vous allez comprendre un peu plus que ce que je mets. Bon, c'est pour celui qui suit. Mais en fait, la da'wa, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle est égarée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas conforme. Pourtant, on le dit, hein, ils le disent, comme ces prédicateurs. Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah sur une voix, une preuve claire. Ils appellent pas à Allah, ils appellent à autre chose. Et franchement, même ce concept de retraite, c'est du n'importe quoi. C'est, depuis quand ça existe, la retraite ? Enfin, je parle d'une manière générale, on n'est pas en retraite en soi. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mouhim. Donc, on avait vu sur le premier chapitre, Awwal al-Wajibat, la première des obligations, c'est d'unifier Allah. Et on le voit dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Ce hadith-là, si vous voulez le référencer, c'est un hadith muttafaqun alayh, c'est-à-dire qu'ils sont, d'accord, les deux shaykhan, c'est Muslim et Al-Bukhari, ils le rapportent, et le hadith, c'est le hadith 4090, celui qui veut le marquer. Et dans le sahih de l'imam Muslim, c'est le hadith 19. نعم أختي أم سهيم ما شاء الله effectivement il n'y a pas d'âge pour apprendre et vous ne savez pas ce qu'Allah va vous donner parce que finalement c'est lui qui facilite tout, vous lui appartenez. Donc si demain il veut débloquer les blocages qu'il y a dans votre cerveau, il le fait. Maintenant il faut d'abord qu'il voit en nous de l'investissement, de la sincérité et vraiment qu'on cherche à se rapprocher de lui avant toute chose. Après qu'on soit bénéfique aux gens et profitable, ça c'est secondaire. Mais sinon, la première des choses, c'est déjà pourquoi tu veux. C'est pour ça que dans l'autre groupe, en fait, on a fait un sujet. Si ça vous intéresse, on pourrait essayer d'en faire un petit livre. C'est les conseils pour l'étudiant en sciences. Donc il va parler de l'ikhlas, l'exclusivité, la sincérité, de mettre un ensemble de choses en place, de trouver un environnement adéquat, de fréquenter les bonnes personnes, d'éviter nananana, et ainsi de suite. Amine, ça se débloque. Le fait que vous ayez déjà répondu, et je justement, en fait, quand je vous pose des questions et que ça vous force à répondre, et que vous répondez, ça veut dire que ça débloque. Alhamdulillah. Donc, شرط لصحة العبادات. La condition. Bismillah. شرط صحة العبادات. Je vous l'ai déjà expliqué ça. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais je vais vous dire une chose. Marquez cette chose-là. C'est un point très très important que vous allez le revoir et que je vais sûrement le répéter. Mais c'est une règle en fait. Là, on est en train de voir vraiment des règles, des fondements que vous allez demain ou après-demain ou dans un futur très proche ou pour certains un peu plus loin, mais lire dans des livres de ce genre de science et vous allez voir que tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, vous allez le retrouver. Parce que cette voie est une. Oui, désolé. C'est Yasmine, si je ne me trompe pas. شرط صحة العبادات, la condition de la validité des adorations. La condition de la validité des adorations. شرط لصحة العبادات. العبادات, c'est le pluriel de العبادة. العبادة, ça veut dire quoi ? L'adoration. D'accord ? Donc là, c'est au pluriel. العبادات. Et là, on a les marques du pluriel qui est. Quand on rentrera dans la grammaire, Inch'Allah, on approchera cette partie-là, mais c'est le alif et le ta, maftouh. Na'am Yasmine, barakallahu fik. Donc, la condition de شرط لصحة العبادات, la condition de la validité des actions. فَلَا يَقْبَلُ اللَّهِ استغفر الله فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah n'accepte pas مِنْ عِبَادَةً حَتَّى يُؤْمِنُ بِهِ Il n'accepte aucune adoration de l'adorateur jusqu'à ce qu'il croit en lui. Pourquoi il dit ça le cheikh? Parce que comme je vous dis, il y a des gens qui font des bonnes œuvres. Des non-musulmans, et ainsi de suite, ils font des bonnes œuvres. Il y en a, ils sont gentils, il y en a, ils ont le cœur sur la main, il y en a, ils font du réel, on le voit, tu vois, comme ils nous appellent, à quoi ils nous appellent, les imams, l'humanisme. Nous sommes des frères en humanité. Il faut qu'on constitue une communauté avec nos frères et sœurs dans les autres religions. Oui, ils le disent, ça, hein. Ils nous apprennent, donc ils nous éduquent. Hein. Ils nous éduquent qu'on le veuille ou non, mais pas à Allah, parce que l'unité d'Allah, c'est pas ça. Donc Allah n'accepte pas une adoration de l'adorateur jusqu'à ce qu'il croit en lui. Hatta, ça veut dire jusqu'à yu'minu bihi. Yu'minu bihi, qu'il croit en lui. En qui? En Allah. Donc la condition, c'est quoi? Avant les actions, c'est est-ce que ma croyance est saine? Parce que al-mu'min, c'est quoi? C'est croire en quoi? En Allah. Mais c'est quoi? C'est pas juste le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah. Ça ne veut pas dire que tu crois en soi. On a bien vu qu'il y avait des conditions où il y avait des étapes. La première des choses, c'est l'islam. L'islam, c'est quoi? Il y a un verset où Allah dit quoi? Wa qalat al-a'rabi amanna. Les bédouins sont venus voir le prophète. Donc c'est ce qu'Allah a relaté dans le Coran, dans sourate at-Tawba. وقالت الأعراب آمنا. Les Arabes ont dit nous avons cru. Ils sont venus voir le prophète, ils ont dit آمنا. Allah y répond قل لا تؤمنوا. Dis-leur, vous n'avez pas encore cru. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint ce degré. ولكن قولوا أسلمنا. Mais par contre, dites nous sommes soumis. C'est-à-dire que nous avons commencé à nous soumettre à Allah. Maintenant, d'arriver à ce degré de iman, c'est pas n'importe qui. Exactement. Exactement. Et après, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est de bon, elles sont multiples. Hein. Ça peut être les passions qui prennent le dessus. Ça peut être une voie, une secte ou un menhaj qui, soi-disant, s'affilie au Qur'an et à la Sunna. Mais quand tu regardes, comme c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça le problème. Alors, écoutez ces gens-là et vous allez voir que leur fondement est inexistant. C'est malheureux. Ou sinon, s'ils viennent à le dire ou à le citer, ils ne le visent pas comme il a été cité dans le Coran, dans la Sunna et à travers la voix des salafs. C'est tout. C'est pas aujourd'hui, soi-disant, on doit revoir l'islam, on doit revoir nos codes, on doit revoir quoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on vive dans ce système-là, tout simplement. Et que si on revient sur la voie des salafs, ainsi de suite, on va voir qu'il y a une opposition à un moment donné. Juste d'un point de vue croyance, après je parle même pas d'un point de vue engagement, objectif, but dans la vie, notre résidence ici, ainsi de suite. Non, d'abord, concrètement, je suis dans quoi? Je suis dans quelle voie? Quelle est la différence entre moi et eux? Subhanallah, faut qu'ils nous expliquent des versets, hein, où Allah il dit quoi? Est-ce que les musulmans et les mécréants sont pareils? Bref, tous les versets où Allah il nous parle de la différence entre le mécréant et entre le musulman. Il faut qu'ils nous expliquent, ces gens-là, là, qui nous disent que le musulman, il est à l'image du truc, et nanani. Ils nous baratinent quoi, en fait? Et ça, c'est des sujets qui sont liés à la croyance. Donc, à un moment donné, il faut que leur discours, ils tiennent la route. Et si on voit qu'il ne tient pas la route, on peut se poser énormément de questions. Mais encore une fois, c'est pas le but. J'ai pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec ces subtilités, avec leur égarement, et ainsi de suite. Nous, on apprend à guider. Parce qu'avant tout, on va être jugé, d'accord? Soi-même, et on va être tout seul. Donc il faut assumer ce moment-là. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est d'apprendre et en même temps de vous donner des outils que demain, vous pourrez continuer, Inch'Allah, sur cette voie-là. Et après, le développement, ou du moins l'argumentation, ou les points de vue, ou les opinions, en fonction d'une situation donnée, en fonction d'un acte, il va diverger en fonction des personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous après la même culture, on n'a pas peut-être tous le même bagage intellectuel et ainsi de suite qui peut peut-être embrasser d'autres domaines et d'autres sujets. Donc c'est normal qu'on va diverger, mais la base est commune. La base, on est d'accord sur les mêmes fondements. D'accord? Et Et donc là, bien sûr, tu parles de la croyance, parce que Allah, il a commencé par la croyance. Il n'a pas commencé par les ibadat. Il n'a pas commencé à nous dire, voilà, il faut qu'on s'allie, ou enfin, faut qu'on se réconcilie avec les Quraysh et les Mouchriquines, ainsi de suite. Au contraire, Allah, il a envoyé pour qu'ils les combattent, eux. Et bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je ne veux pas faire des déductions et de vous amener à moi mes déductions par rapport à ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et ce que j'essaie de faire ou de continuer à étudier. D'accord ? Ça va venir tout doucement. Cette déduction que j'ai eue, elle n'est pas propre à moi. C'est ce que tous ceux qui ont suivi cette voie ont eu. Et j'essaie de me conformer pour suivre encore la même. Et vous, demain, Inch'Allah, c'est ce qui va se passer. Si on est sur cette même voie, vous allez voir que vous allez avoir les mêmes déductions. Après, peut-être une approche différente, une méthode différente, mais la base est identique et la finalité est pareille. Donc, la première des choses, comme j'ai dit, comme le Cheikh a dit plutôt, c'est que Allah n'accepte pas une adoration tant qu'elle n'est pas, tant qu'on ne croit pas en lui. Il n'accepte pas d'action tant qu'on ne le croit pas en lui. Le qawlihi ta'ala, donc la preuve est dans le verset où Allah dit « Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin » Sourate Az-Zumar, le verset de dans Sourate Az-Zumar, et Allah dit « Wa laqad uhiya ilayka » Allah il s'adresse à son prophète, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il t'a été révélé à toi, Mohammed, et à ceux qui ont été et à ceux qui sont venus avant toi, Isa, Moussa, Sulayman, Ayyub, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismaïl, Haroun, Shu'aib, et ainsi de suite, Lot, et j'en passe. Tous ces prophètes-là, Allah nous dit que, en disant à son prophète, ô prophète, tous ceux qu'on a, il t'a été révélé à toi, et tous ceux qui sont venus avant toi, si tu viens me donner un associé, tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu feras, ça sera détruit. La yahbatanna amaluk. Donc il y a trois choses. C'est que la première des choses, on voit trois points à tirer. C'est que la première des choses, c'est que Allah a transmis. La preuve, il démontre qu'il a transmis. Ensuite, il menace le prophète et ceux qu'il a envoyés avant. C'est quoi ? C'est si tu viens m'associer, donc tu accomplis un acte contraire à ce que j'ai révélé. Tout ce que tu auras pu faire jusqu'à maintenant, ça sera annulé. Et pire encore, quand tu vas venir à nous le jour du jugement, tu feras partie des perdants. Et parce que ton compte était déjà réglé déjà. Tu as associé à Dieu. Donc ça y est, là, c'est fini. Tout ce que tu as fait est détruit. Est détruit. Vous comprenez, détruit. C'est pour ça que c'est important la croyance et le tawhid. Pourquoi ? Pour que on préserve nos actions, on préserve nos économies ou notre patrimoine ce qu'on a avancé, ce qu'on a investi. Malheureusement, on voit très bien que ce sujet-là, il est pris à la légère. Il est inexistant. Est-ce que ces gens-là nous mettent en garde par rapport à ça ? Qu'on va rencontrer Allah, qu'on va ainsi de suite. Pourtant, le rappel des prophètes, c'est tout le temps ça. C'est... Ah, n'oubliez pas que vous allez rencontrer Allah. N'oubliez pas la mort. N'oubliez pas... Eux, non. Ils nous parlent que de dunya. Il faut faire ci, il faut faire ça. On a le droit d'investir. On a le droit de faire des crédits. On a le droit d'aller en voyage n'importe où. On a le droit de... Encore une fois, la croyance, elle a des conséquences dans la manière dont on doit vivre. C'est un code, c'est un système, ce dîn. C'est pour ça qu'en fait, ils détruisent quoi ? Ils ne sont pas en train de détruire l'islam. Ils sont en train de détruire le code. Les codes de cette religion. Ce n'est pas qu'une question de ibada, d'adorer Dieu, et ainsi de suite. La preuve, demain, l'antéchrist, quand il va apparaître, il va physiquement, il va jouer avec toutes les religions. Une autre preuve aussi, est-ce que le christianisme et le judaïsme, il a totalement disparu ? Non. Il a falsifié à travers les rabbins ou les moines, ils ont modifié pas mal de choses, mais de le faire disparaître totalement, tu ne peux pas faire disparaître la parole d'Allah totalement. Mais tu peux corrompre. Donc, contrairement au Coran, ils ne peuvent pas le toucher parce qu'Allah s'est tenu garant de ce Coran-là. À travers des gens qui va aider, enfin qui va soutenir, qui va les faire impliquer dans sa cause et qui va les guider dans cette voie-là. Et qui vont faire partie de ceux qui seront fermes et stricts et intransigeants dans ces enseignements. D'accord ? Mais sinon, les autres, voilà. Donc, l'antéchrist, ainsi de suite, ce sont des éléments où ce sont des événements qui vont toucher cette communauté. Et le but, c'est voilà, d'égarer les gens. Et forcément, ça passe par quoi ? Par le fondement principal qui est la croyance. سبب في قبول الطاعات السبب فين يقول الله on va faire juste un dernier point et on s'arrêtera là inchallah ta'ala. Si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez si vous voulez que je répète, dites-moi. Alors là, on va voir le troisième point. Le troisième point, c'est As-sababu fi qubul at-ta'at. La condition ou la cause pour laquelle nos adorations sont acceptées. Fala yuqbalu Allahu 'azza wa jalla. Allah n'accepte pas, Allah le Très-Haut n'accepte pas une adoration illa. Allah n'accepte pas une adoration sauf du monothéiste. D'accord ? Ça veut dire que tous ceux qui croient aux tombes, qui invoquent les tombes, qui croient, qu'il y a des gens qui peuvent. Qu'il y a des intercesseurs, il y a des intermédiaires entre lui et Allah qui peut les invoquer, qui peut faire quelqu'un qui fait des sacrifices pour autre qu'Allah. De croire au statut et ainsi de suite. De croire que on peut connaître l'invisible, que certains voyants ou voyantes, ou que certains sorciers, enfin, des frères ou des frères, ou ce que vous voulez. Ils croient qu'ils connaissent certaines choses. Donc tout ça, ce sont des actes qui sont contraires à la foi. Donc Allah n'accepte pas une adoration sauf du monothéiste. D'accord ? Faman ijtahada est celui donc qui fait des efforts dans l'adoration. Un grand effort. Ijtihadan kabiran. C'est-à-dire qu'il vraiment il consacre tout son temps, toute sa vie à adorer à adorer. وَلَمْ يُوَحِّدَ اللَّهِ فَلَا يَنْفَعُهُ اِجْتِهَادُهُ. Qu'il s'efforce à faire tout ça, comme je vais vous donner juste un exemple, histoire que ça vous parle, mais on va le voir en fait, tout ça on va le voir en détail. Là encore une fois, il ne faut pas l'oublier, on est dans le... Est-ce que quelqu'un se rappelle dans quelle partie du livre on est là ? Voilà, avancez. On est dans Tamhid. At-Tamhid, c'est l'introduction. At-Tamhid, c'est l'introduction ou préambule. Là, on est encore dans le préambule. Donc là, c'est juste une préparation pour les sujets qui vont venir. D'accord ? Donc ce sujet-là, on va le voir en détail avec des règles, avec des preuves du Qur'an, de la Sunna et de ce que les salafs ont dit, Inch'Allah. Donc, فَلَا يَقْبَلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc Allah n'accepte pas sauf du monothéiste. Et donc, je vais vous donner un exemple. Malheureusement, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dans des zawiyas, qui vont faire des offrandes, qui vont invoquer autre qu'Allah, qui vont sacrifier pour autre qu'Allah, et en même temps, ils font le hajj. Et justement, ceux qui sont dans les zawiyas, là, il y a des sectes, le Qarqariya et ainsi de suite, c'est un truc de malade. En fait, ils vont dans des endroits, et ainsi de suite, et soi-disant, ils font du dhikr, et ainsi de suite, mais il y a quelqu'un qui est là, qui dirige la Zawiya Institute, il leur demande de faire des offrandes, de venir l'embrasser. Enfin, en gros, c'est quelqu'un de béni, il s'humilie devant lui. Et pourtant, ces gens-là, ils vont faire le hajj. Ils disent le Qur'an, ils font des ibadat, ils font des sadaqat. Donc, c'est ce qu'il vient de dire le cheikh. Ils sont à fond, mais ce n'est pas des monothéistes. Pourquoi ? Parce qu'ils vouent autre chose à Allah, ou ils ont mis un égal avec Allah, ou ils ont pris cette personne comme intermédiaire auprès d'Allah. D'accord ? Et donc forcément, ce sont des mouchriquins, sans même le savoir. C'est grave. Ça veut dire que c'est ce qu'il vient de dire le cheikh, et c'est ce qui a été dit juste avant, quand Allah il a dit quoi ? C'est pas nous qui disons qu'il se fatigue pour rien. C'est le verset où Allah il dit, il a même menacé ses prophètes, en lui disant, si tu viens associer, tout ce que tu as fait, ça va être détruit. Et quand tu vas venir c'est-à-dire le jour du jugement, tu feras partie des perdants. Ça veut dire ce que ça veut dire. On l'avait vu en plus ça dans... dans un livre qui s'appelle Qawaid al-Arba'a, les quatre règles. On va le voir, Inch'Allah, ce livre-là. Donc voilà, le but, ça va être vraiment d'enlever toutes ces ambiguïtés. C'est pour ça que ce chapitre-là ou ce sujet-là, on va consacrer un maximum de temps et d'explications et de voir plusieurs livres de différents auteurs, de différentes époques, pour qu'on puisse comprendre et que ça rentre dans notre tête que la aqida, la croyance et le tawhid, l'unicité d'Allah est une. Et à travers ça, on verra ceux qui divergent ou ceux qui se sont égarés complètement. Donc celui qui fait ça, comme Allah a dit, il n'accepte pas ses actions. Et c'est ce que le cheikh l'a dit, walam yuwahid Allah, qui n'adore, qui n'unifie pas Allah. Parce qu'on a dit, la première des obligations, c'est quoi? Unifier Allah. Unifier Allah par quoi? Par at-tawhid. D'accord? Et ensuite, on a vu que celui qui fait des actions sans tawhid, sans l'unicité d'Allah, ses actions ne sont pas acceptées. Par contre, celui qui unifie Allah, ou du moins qui adore Allah et qui fait des adorations, mais en même temps qui va à un moment donné faire du shirk sans même s'en rendre compte, bah, tout va être annulé. Et pourquoi il s'en rend pas compte? Bah, parce qu'en fait, il n'apprend pas sa religion. Il n'apprend pas les fondements par lesquels elles ont été instituées. Et Allah, il a commencé par l'aqida, par le tawhid. Comment ça se fait que nous, on rentre dans le fiqh, fais la prière? Ah, mais je ne sais même pas qui c'est Allah, en fait. Tu veux que je fasse la prière et je vais peut-être arrêter. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas stable. Je ne suis pas ferme. Je ne sais pas qui j'adore, réellement. Enfin, je sais dans le point de vue, encore une fois, du mot. Allah, Dieu, comme les chrétiens et les juifs le disent. Mais est-ce que tu sais réellement qui est Allah? Non. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, la ilaha illallah? Oui, tu peux le traduire, mais est-ce que tu connais le sens, son affirmation, son l'affirmation et sa négation. On voit. Donc c'est pour ça qu'on va prendre, inchallah, du temps, parce que c'est un sujet très très important. Et au moins demain, je pourrais me dire, déjà pour moi, alhamdoulilah, j'ai certaines informations, et en espérant qu'Allah me facilite pour passer toutes les épreuves que demain on va vivre, et que demain, vis-à-vis de vous, je vais me dire, bon, alhamdoulilah, je leur ai donné quelques outils ou quelques notions pour qu'ils puissent continuer à cheminer et à s'instruire à ce niveau-là. Et ça, c'est une chance, une science qu'il ne faudra jamais, jamais lâcher jusqu'à votre dernier souffle. Parce que faut pas oublier que les shayatins, ils sont là, ils nous guettent. Ils vont venir dans ce moment-là qui est très critique pour nous et ils vont nous mettre plein de waswas. Et celui qu'Allah, il n'aura permis pas, et c'est pour ça qu'il y a un verset où Allah, il dit quoi ? « Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira » Allah raffermit les croyants par une parole ferme. Et quelle est cette parole ferme ? C'est ce qu'il a dit Ibn Abbas. C'est le sens et la compréhension de la ilaha illallah. Donc Allah, il dit « Yusabbitu Allahu alladhina amanu » Allah raffermit les croyants. Fid dunya, dans cette dunya, wa fil akhira. D'accord? Pourquoi? Fil akhira. Ou pourquoi dans ce moment-là? Parce que c'est un moment, vraiment, c'est compliqué. Je ne l'ai pas vécu, mais par rapport au récit, c'est quelque chose de compliqué. Donc, personne ne pourra répondre, ou personne ne pourra dire cette parole s'il n'a pas vécu pour Allah. Donc, au moment de ta mort, tu vas où parler? Tu vas demander tes enfants, ou ton commerce? Où est-ce que ton argent est un investissement? Tes terres, ta femme, ton père, ta mère. Alors que là, tu dois penser d'abord. Tu vas basculer dans un autre monde. Qu'est-ce que tu es en train de parler de ta mère, ainsi de suite? Ou de ton père, ou de ton fils, ou de ton argent, ou de ton matériel, ainsi de suite. Non. Si ces gens, ou nous, on n'arrive pas à le dire, c'est que ça témoigne en fait que notre vie, on ne l'a pas passée, on ne l'a pas vécue pour Allah. Parce que le verset où Allah, il dit. Parce que Allah, il dit dans ce verset que. Voilà, exactement. Dans quelle voie tu étais? Donc, c'est pour ça qu'Allah, dans le verset, il dit « Yuthabbitullah, Allah raffermit les croyants. » C'est Allah qui raffermit les croyants dans cette dunya par une parole ferme. « La ilaha inallah fil akhira, fil dunya wa fil akhira » dans ce bas monde et dans l'au-delà. « Wa yaf'alullahu ma yasha » Et Allah fait ce qu'il veut. Donc la parole ferme, c'est la ilaha illallah. Et donc la ilaha illallah, c'est ce qu'on est en train d'étudier. C'est la croyance, c'est ce qui est rattaché à Allah. Et فَلَا يَنْفَعُهُ اِجْتِهَادُهُ. Et tout ce qu'il aura fait comme effort, l'autre il fait le hajj 5 fois par an, enfin 5 fois, 5 fois par an, tous les ans, l'umrah je ne sais pas combien de fois par an, les sadaqat et ainsi de suite, mais au niveau de tawhid et aqidah, il est éclaté. Excusez-moi du terme, mais... Voilà, sa croyance n'est pas présente. Donc, ça veut dire que, malheureusement, il se fatigue et tout ce qu'il fait, ça va être annulé. Ou du moins, ce n'est pas accepté auprès d'Allah. Donc, on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Ah non, excusez-moi. Je finis juste sur cette parole parce qu'en fait, sinon je me coupe. Et après, il y a le quatrième point. فعن جابر ابن عبد الله إن شاء الله هذي بسم الله. Je continue en attendant. فعن جابر ابن عبد الله. Il a été rapporté de Jabir ibn Abdillah, qui est un compagnon. Radiallahu anhu. Tu peux la poser la question à Sadio, hein? N'hésite pas. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui rencontre Allah en lui donnant un associé, celui qui rencontre Allah sans lui donner d'associé, dakhal al-jannah, il rentrera au paradis. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhal an-nar. Et celui qui rencontre Allah en lui donnant, c'est-à-dire qu'il a associé Allah dans cette dunya, avant même de quitter ce monde, il s'est pas repenti de son shirk. C'est un associateur. Allah lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Dakhal an-nar. Il rentre en enfer. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, hadith 93. Et de toute façon, encore une fois, là on est juste, ne vous inquiétez pas que tous ces sujets seront détaillés, expliqués avec des exemples. Ce hadith en l'occurrence. Oui, je vais essayer de répondre juste après que je traduis ça. C'est une bonne question, et c'est ça qu'en fait on devrait enseigner aux gens. Alhamdoulilah, attention, je sais qu'il reste quelques personnes, mais bon, ça va se faire de plus en plus rare, parce qu'ils sont en train de faire un tri sur ceux qui restent encore un peu authentiques et ceux qui suivent le moule. Mais Inch'Allah, je vais répondre juste après. Inch'Allah ta'ala, on va essayer d'apporter des éclaircissements. Il y a un autre hadith où le prophète sallam a dit: وعن Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, vous le connaissez, je pense, pour certains, pour certaines, c'est un compagnon, un éminent compagnon, connu et reconnu, qui a dit: Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Juste une chose, j'espère que vous faites les du'as. Quand on a dit que la science, elle a été transmise pour être pratiquée, donc quand on entend surtout le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut prier sur lui, enfin, faire la du'a. Enfin, faire l'invocation qu'on nous a apprise. Qala, il a dit: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt et en même temps il invoque Allah, il invoque quelqu'un à côté d'Allah, dakhala an-nar, il rentrera en enfer. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. Il a été rapporté dans l'imam al-Bukhari, dans le livre, dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Pardon. Hadith 4497. Donc celui qui veut acheter sahih al-Bukhari ou sahih muslim, ne l'achetez pas maintenant, attendez d'avoir l'arabe. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, donc on va s'arrêter sur ce point-là, parce qu'après c'est le quatrième point. Aslu ad-da'watun nabiyyin wa mursalin. Le fondement de la prédication des prophètes et des envoyés. Donc là, dans le prochain chapitre, on va voir quelle a été la manière dont les prophètes ont prêché. Taïb. En même temps, on va se dire, mais ils n'étaient pas dans la même époque. Comment ils peuvent avoir où? Ben parce qu'en fait, Allah, il ne nous a pas laisser tout seul à déterminer comment on va faire dawa, par quoi on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord ? On nous a pas. Allah, il sait très bien. Comme, est-ce que vous pouvez laisser votre enfant, un enfant en bas âge tout seul chez vous ? Obligez-vous l'accompagner et vous allez lui dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le moindre détail. Ben Allah, c'est pareil vis-à-vis de nous. Walillah il mathal il a'la. Et Allah appartient les plus belles paraboles. Tu crois qu'Allah il nous a laissé tout seul, même pas une fraction de seconde, parce que si ça serait le cas, on s'entretuerait, ça fait longtemps que la terre elle serait autodétruite. Donc Allah, il y a chaque chose, il nous l'a détaillé, explicité et montré quelle voie suivre. Maintenant celui qui suit autre chose, il suit autre chose que la voie d'Allah. Maintenant, en fonction de l'égarement de la voie qui suit, où il est complètement sorti de l'islam, où il est entre un pied dedans, un pied dehors, où il est juste à la frontière de la sortie, où il est, on va dire, en milieu, où il est proche du... Voilà. Ça va dépendre, en fait, du manhaj et de ce qu'on suit. Après, les ibadat, elles divergent et elles varient. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et le prochain sujet, donc, ça va être ce que je vous ai dit. Et donc, on va répondre rapidement... Enfin, on va essayer d'apporter des éclaircissements à la question qu'elle a dit la sœur par rapport à... En fait, c'est qui a posé la question? C'est Sadieu. Hein. J'ai une question. Alors, comment on devrait procéder? Par exemple, si un converti demande comment apprendre la religion, par quoi je commence? Eh bien, d'abord, apprendre à connaître Allah. Attention, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Parce que, en fait, ce cheminement d'apprendre Allah, vous avez bien vu, nous-mêmes, on est en train de cheminer. Nous-mêmes, on a commencé comme un converti quelque part. On ne connaissait même pas Allah. On pratiquait par rapport à... On connaissait Allah juste par le nom. Est-ce que vous connaissez... Moi, je parle de moi. Hein. Je ne connaissais rien de tout ça. Donc, en fait, je l'ai appris comment? Je l'ai appris au fur et à mesure que je pratiquais. Et on le voit dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal. Attention, ça ne veut pas dire que attends d'abord d'avoir une bonne aqidah, d'avoir un bon tawhid, et après tu pratiques. Non. On voit bien dans le hadith d'Ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas demandé de rentrer dans les profondeurs. C'est avec le temps que tu te perfectionnes, que tu t'améliores, que tu augmentes, que tu au niveau connaissance, au niveau ibada, au niveau investissement, au niveau de tout ce que tu vas mettre en place pour te rapprocher d'Allah en fonction de chacun. Chacun va avoir une envie beaucoup plus proche ou beaucoup plus intense pour se rapprocher d'Allah. D'autres un peu moins, d'autres qui vont être un peu voilà en fonction de comment ils ont appris leur religion. Donc tout le monde, enfin je pense, moi en tous les cas c'est mon cas. Alhamdulillah, en apprenant, les choses elles deviennent plus claires, et on comprend et on connaît mieux Allah, et du coup, le mot Allah, la religion et la pratique, elle devient simple. Elle n'est pas frustrante, elle n'est pas compliquée, sauf que malheureusement, le rythme et le système dans lequel on est, en fait, c'est pas compatible. C'est vrai, c'est pas compatible. Donc, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, le prophète sallam, il a dit quoi? Il a dit aux compagnons, tu vas aller vers des gens du livre. Donc ça revient un peu à ce que tu disais. Il a dit, fais en sorte que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah. D'accord? Donc, l'expliquer grossièrement, c'est-à-dire d'une manière générale. C'est de ne pas lui avouer, de ne pas l'associer, tout ce qui est shirk. C'est-à-dire de vraiment le minimum. D'accord? Ensuite, s'il accepte ceci, comme il a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils acceptent ceci, alors dis-leur qu'ils doivent accomplir 5 prières par jour. Alors, si tu as compris... Tu sais qu'est-ce qui est Allah, du moins, d'une manière générale, qu'Allah, il veut qu'on l'unifie, il ne veut pas qu'on lui associe. Allah s'est attribué des choses, c'est des noms et ainsi de suite, et il nous a ordonné des choses. Ne concernant que c'est lui le créateur de toutes choses, que personne ne connaît l'invisible, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qui va rétribuer, qu'il y a le châtiment, et ainsi de suite, qui reconnaît tout ça, ainsi de suite. Alors à ce moment-là, on lui dit, Allah, il nous a demandé de faire 5 prières. Et ensuite, et ainsi de suite. Mais bon. Vu qu'au jour d'aujourd'hui, les gens font le sens inverse, ouais, il faut que tu pries, ouais, nanana, ça veut dire qu'on va rester sur cet élan-là, mais on va insister sur le fait de la aqidah. La preuve, regardez, nous, on est soi-disant des parents, des enfants, on a hérité de l'islam. Pourquoi on apprend la aqidah si on la connaît, ou du moins qu'on pratique correctement? Non, on ne la connaît pas. Par contre, on a commencé à pratiquer, et après, on s'est rendu compte que maintenant, on essaie de se donner du temps et les moyens. Donc en fait, il faut commencer par par la chose dont tu vas voir les lacunes. Voilà. Après, franchement, je vais vous dire, la da'wah, c'est pas n'importe qui, c'est une responsabilité. Donc on a un minimum, certes, mais après de s'investir, ne vous investissez, enfin, je ne dis pas si c'est votre cas, hein. Ne rentrez pas dans un domaine si vous ne le maîtrisez pas. Que ça implique des choses, la patience, de l'investissement, et ainsi de suite, que tu te dois d'avoir une certaine éthique, un certain code, une certaine démarche à avoir. De prendre sur toi, de t'écraser, d'écraser ton nefs. Oui, effectivement. Comme c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est même pas aller donner à n'importe qui. Tout le monde s'improvise d'Ari, prédicateur, mais il faut voir de quelle science il parle. Ben c'est la base. En fait, c'est la base et c'est pour ça qu'en fait, il devrait commencer. Et c'est pour ça que si on devrait commencer par ça et que les prédicateurs commenceraient par ça, ça ferait longtemps que ou on serait en guerre contre eux ou ils nous auraient chassés. C'est incompatible en fait avec leur système. D'ailleurs, enfin, je parle même pas de nous en tant que musulmans. Je parle, on va parler de ceux qui sont, on va dire, dans la démarche, qu'ils en ont marre de cette laïcité, de cette démocratie. Des Français royalistes, des puritains, chrétiens, qui veulent revenir à une monarchie. Ben, ils sont contre ce système. Et tout ce qui compose ce système. Donc, juste d'un point de vue croyance, réellement, si on adore Allah, on est en opposition. C'est des codes qui sont complètement différents et opposés. Par contre, non, les musulmans, comme je vous l'ai dit hier, non, nous, les prédicateurs, en fait, ils nous appellent à prendre la relève quelque part. Parce que ces gens-là, ils sortent dans les rues, ainsi de suite, ils sont en train de manifester, ils sont en train de grève, ils sont en train de bloquer, ils devraient faire même pire et plus. Non, nous, les musulmans, on est dans une servitude consentie et quelque part qui nous convient. Parce que est-ce qu'on met des choses en place? Est-ce qu'on pense à changer? Est-ce qu'on... Non, on essaye de construire à travers ce qu'on a. Mais demain, on va rentrer dans... Inch'Allah, je vais essayer de faire des crochets par rapport à ce qui se passe, parce que, wallah, on est en train d'avancer à une vitesse, que ce soit au niveau intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la puce RFID, et de tout ce qui est en train de faire au niveau dématérialisation, de tout ce qui est administratif, ainsi de suite. Pareil, au niveau de la crise économique, on va voir la puce RFID demain. Rien, Inch'Allah, on consacrera un moment pour ça, parce que là, sinon, je vais me partir loin et ça va m'énerver. Du moins le système qui m'énerve. En tous les cas, j'espère que ça Dieu j'ai pu répondre à ta question, enfin éclairer. En fait, on a ce din là, on a juste à l'apprendre et le pratiquer. On est en mode automatique. Allah a tout détaillé. Ça Dieu, est-ce que j'ai pas été hors jeu ou hors contexte ou hors truc? Ouais, exactement. Non, je me calme, mais franchement, c'est grave. C'est grave, franchement. C'est grave. Enfin, je sais pas. Il y a plein de mots qui. On est vraiment dans une. Et quand tu vois qu'en fait, c'est des non-musulmans, ils s'organisent, ils mettent des choses en place, ils s'investissent, des ouvrages, des livres, ils ont créé des chaînes, ils ont créé des télés indépendants, du journalisme indépendant, tout ça. Et nous, on est où? On est en train de faire tourner la machine. Eux, ils sont en train de reculer, nous, on est en train de la faire tourner. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est impressionnant, quoi. Bref, frère, Inch'Allah. Alors. Mais ça va, j'ai répondu. Comment ça, c'est pas complet? Bah si, je t'ai expliqué. Enfin, comment apprendre la religion? Donc je vais... Hein? Parce que je vais reprendre. Donc si on a un converti qui demande, moi, je vais d'abord lui parler d'Allah. Comme ça, tu vois, en fait, on va lui faire rentrer la grandeur et la beauté d'Allah et le fait que Allah, il est bon avec nous. Malgré tout, regarde, il t'a ramené à lui et que si ce n'était pas une part de sa miséricorde, tu serais encore loin dans ton égarement. Donc, malgré tout, il t'a amené à lui et ainsi de suite. Donc, apprends à le connaître et ainsi de suite. Après, le but, c'est de fréquenter cette personne, enfin, quand je dis fréquenter à la hauteur du temps que tu devrais lui consacrer. Parce que dis-toi bien que tu lui accordes du temps et Allah t'accordera du temps. Donc on va être dans l'échange, on lui donne du temps, en échange qu'Allah il nous donne du temps et de la compréhension. On va lui offrir des livres, on va essayer de l'attirer tout doucement à ça et en même temps l'inviter à manger ou à prier ensemble et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il prenne un certain rythme. Après, Allah il sahel. Mais bien sûr qu'après on doit automatiquement rentrer la prière directement. Et après, si on doit le conseiller dans un sujet principal, on doit lui dire, écoute mon frère, apprends ta croyance, ou ma soeur, apprends la croyance. Il y a plein de livres qui sont attrayés à ça. Et après, en fait, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec vous. C'est ce que moi j'ai suivi comme méthode, c'est ce que les gens ont suivi comme méthode, et c'est ce qui nous a été transmis. On apprend un peu avec la langue française, parce qu'on n'a pas d'autres outils, parce que c'est par ça qu'on a commencé, mais après il faut apprendre l'arabe, il faut s'émanciper de cette langue, d'accord? Et après apprendre et avoir des bons outils. C'est pour ça que là, en fait, c'est plus quelque part... J'essaie de mâcher tous les travaux des chouyours d'un point de vue étude, méthodologique. Comme ça, vous savez que les fondements et les bases que vous allez avoir, ce sont des fondements solides. Et c'est ce qu'on doit leur transmettre aussi. c'est d'aller apprendre l'arabe, d'aller apprendre le Coran, d'aller apprendre, en fait, de vous donner les outils que demain, je sais que vous allez vous rencontrer, si demain Allah on doit mourir ou vous mourrez, je sais que inshallah vous avez un minimum, d'accord. Après les conclusions, les sujets, ainsi de suite, oui, bon, ça c'est propre à moi, mais bon. Donc barakallahu fik, ça Dieu d'avoir alimenté le débat, la discussion, et c'était important parce que c'est des choses qui nous arrivent souvent. On est dans ce monde-là. On est confronté à tout ça. Très grave, mon Seigneur Ménère. Donc, on va dire pas d'étapes précisément. Oui, tu as bien répondu. Ben, si, il y a des étapes. Il y a des étapes, en fait. Ah, désolé, mon téléphone va s'éteindre. J'ai plus de batterie, j'ai complètement oublié. Je crois qu'il s'éteint carrément. Ben, il va s'éteindre, donc désolé, on va s'arrêter là. De à la shahada. Barakallahu fikoum, les sœurs. Et le frère, je ne sais pas s'il reste encore des frères parmi nous. Ouais, non. Bon, le téléphone, il s'éteint, c'est mort. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah y'a ankoum. Qu'Allah vous facilite.